du même de Jaucourt, l'article Zuéné. Ville située sur la rive orientale du Nil, dans la Haute-Égypte, au voisinage de l'Éthiopie. C'est ici le dernier mot géographique de cet ouvrage, et en même temps sans doute celui qui sera la clôture de l'encyclopédie. Pour étendre l'empire des sciences et des arts, dit Bacon, savant et philosophe anglais du XVIIe siècle, il serait à souhaiter qu'il y eût une correspondance entre d'habiles gens de chaque spécialité, et leur assemblage jetterait un jour lumineux sur le globe des sciences et des arts. Oh, l'admirable conspiration! Un temps viendra que des philosophes, animés d'un si beau projet, oseront prendre cet essor. Alors, il s'élèvera de la basse région des sophistes et des jaloux, un essaim nébuleux qui, voyant ses aigles planer dans les airs, et ne pouvant ni suivre ni arrêter leur vol rapide, s'efforcera, par de vains croissements, de décrier leur entreprise et leur triomphe.